J'suis trop cramé sur la côte, j'ai vesti comme Renato, j'ai les contacts pour t'arroser. Sur le char en cas d'assaut, passé l'âge de paillasser, 200K en une seule note. Sois un peu paro sur ta raclée. Elle veut monter dans le van des artistes. Elle aime les gros charros qui tartinent. En Akrapovic, c'est un peu plus rapide. J'connais même pas son prénom, mais elle était dans le carré. On fait pas partie de ceux qui donnent des non. Un coup de fil, des rapides, pareil, ça tout se fait pour les deux, bébé. Depuis tout jeune, on fait du violet. Là, j'suis dans mon élément fort. Moi, mon thème, c'est resto mon abord. Bébé, dans l'ultra vie tranquille, ouais, ouais. Ça parle de cash en privé, ouais, ouais. Signe de gang affilié, ouais, ouais. C'est 63 S en fusée, ouais, ouais. Elle aime le SVR, elle est doigt plein de jams. Je la laisse en PLS, cardio pour le match. Elle aime le SVR, elle est doigt plein de jams. Je la laisse en PLS, cardio pour le match. On dévalise les boutiques, Jimmy Choo et Chanel. Longtemps que je connais le circuit, je tolère pas tes manières. On dévalise les boutiques, Jimmy Choo et Chanel. Longtemps que je connais le circuit, je tolère pas tes manières. Je recrache ma peine et je fais des sacs d'oseille. Étant plus jeune, j'avais un tas de problèmes. Et ces mêmes problèmes ont joué sur mon sommeil. Oh merde. Sur la piste, c'est noir. Des coups de feu sur du chata. Petit frère impliqué, j'baraude avec madame. Mon brolique et ma fierté. En vrai, j'pouvais mourir. Surtout, c'est fait pas pour les gens, bébé. Depuis tout jeune, on fait du violet. Là, j'suis dans mon élément fort. Moi, mon thème, c'est resto mon abord. Bébé, dans l'ultra vie tranquille, ouais, ouais. Ça parle de cash en privé, ouais, ouais. Signe de gang affilié, ouais, ouais. 63 S en fusée, ouais, ouais. Surtout t'en fais pas pour les love, bébé. Depuis tout jeune, on fait du violet. Là, j'suis dans mon élément.